Chapitre 13. Elle est vraiment très aimable, Madame Prêt-à-Boine, dit Bérangère. Nous sommes ici comme chez nous au milieu de cette foule. Et de fait, c'était un privilège d'avoir une table, car plusieurs des invités, parmi les personnages les plus importants du pays, mangeaient debout devant le buffet, ayant grande peine à se faire servir, pousser, coudoyer, si bien que plus d'un s'étouffait pour avoir eu le bras heurté au moment où il trempait ses lèvres dans son verre. Le comte avait achevé son biscuit depuis quelques instants déjà, et il était occupé à regarder Bérangère boire son champagne à petits coups, retirant vite ses lèvres du verre au moment où le gaz du vin lui picotait les yeux, quand son attention fut attirée par un personnage de grosse taille et de mine hétéroclite qui se tenait dans le sentier qui conduisait à leur table, et arrêté là, au milieu des arbustes et des feuilles de laurier qui enveloppaient son vaste abdomen, toussait, se mouchait, un homme qui n'ose pas avancer plus loin, bien qu'ayant à remplir une importante mission. C'était M. Trompu. Un bonhomme à la mine rougeaude, aux yeux ronds, à la physionomie placide et vide, bien connue de toute la ville de Condé, où il occupait un certain rang par le grand nombre de fonctions touchant aux affaires et aux choses d'église dont il se trouvait investi. Ayant épousé une veuve riche dont il avait été le commis, il s'était introduit dans les œuvres de charité plutôt par ambition que par vocation, pour être quelqu'un aux yeux de sa femme, qui, l'ayant tiré de rien pour l'élever jusqu'à elle, n'avait pour lui qu'une piètre estime. Mais peu à peu la vocation était arrivée, et en quelques années, il était devenu ce qu'on appelle un homme de bonnes œuvres. Marguilly à Saint-Étienne, il était membre actif de toutes les confréries, de toutes les associations de la contrée, et il a eu l'honneur de soutenir 3 grands procès devant le tribunal de Condé, dans lesquels il avait figuré en qualité de personne interposée selon l'expression de la loi, c'est-à-dire, en termes plus compréhensibles pour le commun du vulgaire, que lorsqu'une personne pieuse voulait faire un legs à un établissement religieux incapable de recevoir, elle choisissait M. Trompu pour légataire. Celui-ci touchait le legs et le remettait fidèlement à l'établissement auquel il était destiné. On pouvait compter sur lui, et pour le récompenser de son dévouement à la bonne cause, on lui payait en considération apparente les services précieux qu'il rendait secrètement. Personne maintenant ne riait plus de lui, et sa femme elle-même en était venue à lui témoigner un certain respect. Elle en avait peur. « Grand-papa, » dit Bérangère, qui avait remarqué le manège du grand personnage, « voici M. Trompu qui se livre à des signaux désespérés pour attirer ton attention. Je crois bien qu'il a besoin de te parler. Je le crois aussi. Oh, je t'en prie, ne lui fais pas signe d'avancer. Il est si ennuyeux sans sa trompe. Est-ce que vous avez jamais vu un éléphant sans trompe, M. de Gardilan? Non, n'est-ce pas? Eh bien, regardez M. Trompu. Cependant, s'il a quelque chose à me dire, interrompit le comte, elle se mit à sourire gracieusement à son grand-père. Il aurait bien un moyen, dit-elle, de le contenter, sans nous ennuyer. Ce serait. Dame, ce serait d'aller à lui. Voyez comme elle dispose de moi, cette petite, dit le comte sans se fâcher. Grand-papa, c'est encore plus dans ton intérêt que dans le nôtre. Ah, vraiment? Certainement. Tu comprends que, si tu vas au-devant de M. Trompu, ce bon, cet excellent M. Trompu, il ne te retiendra pas longtemps. D'abord, pour ne pas te laisser debout, et puis ensuite, pour ne pas y rester lui-même. Attendu que quand 2 pauvres jambes sont seules à porter une pareille masse, elles doivent demander grâce rapidement. Au contraire, si tu le laisses venir ici, il prendra cette chaise, et une fois assis, qu'est-ce qui pourra le relever? Je te le demande, est-ce toi, grand-papa? Est-ce vous, capitaine? Allons, dit le comte, qu'il soit fait comme tu le veux, une fois de plus. En quittant sa chaise, il alla au-devant de M. Trompu, qui était resté au milieu des feuillages, sans faire un pas en avant, mais souriant de plus en plus à mesure que le comte s'avançait vers lui. À peine le comte avait-il quitté sa chaise que Bérangère se pencha vers le capitaine. Elle était placée en face de lui et séparée seulement par la largeur du guéridon. Il posa son coude sur le guéridon et passa sa main devant sa bouche de façon que le bruit de sa voix ne se répandît pas dans l'attente. « Voulez-vous avoir la complaisance de vous pencher un peu vers moi ? » dit-elle au capitaine. Celui-ci la regarde avec surprise, ne comprenant rien à cette étrange demande. « J'ai quelque chose à vous dire, » continua-t-elle, « qui ne doit être entendu par personne. » Il la regarda de nouveau, elle avait pâli et sa voix était légèrement tremblante. Il était manifeste qu'elle éprouvait une vive émotion. Le capitaine fit ce qu'elle demandait et s'accouda à son tour sur le guéridon. Ainsi placés l'un près de l'autre, ils se trouvaient tournés vers l'angle de la tente où le bruit de leur voix devait nécessairement se perdre. « Monsieur de Gardilan, » continua Bérangère, Il faut que je vous voie, et que je vous voie seul. » De nouveau la surprise se montra sur le visage du capitaine. « Depuis longtemps, poursuivit Bérengère, je veux vous adresser cette demande, et aujourd'hui, pendant notre promenade, j'ai vainement cherché l'occasion de vous dire quelques mots en particulier. Viendrez-vous ? Mais, mademoiselle, je suis tout à votre disposition. » J'ai bien cherché des moyens de vous entretenir sans crainte d'être surprise. Mais de tous ceux que j'ai trouvés, il n'y en a vraiment qu'un de praticable. Vous connaissez le saut de loup qui regarde la rivière ? Parfaitement. Voulez-vous vous trouver au fond du fossé de ce saut de loup demain, à 3 heures ? Vous y serez très bien caché, et moi, en me promenant ostensiblement sur le terre-plein ou même en m'y asseyant, je pourrai vous entretenir en toute liberté. Demain, à 3 heures, j'y serai, répliqua le capitaine, après un court moment d'hésitation. Non, je réfléchis. Voulez-vous après-demain plutôt ? Après-demain, si vous voulez. À la même heure. À 3 heures. Si je renonce à demain, c'est parce que c'est dimanche. Les gens de Condé viennent se promener le dimanche dans l'avenue et ils pourraient nous surprendre. Lundi, au contraire, nous n'aurons rien à craindre. Elle parlait, les yeux tournés vers l'angle de la tente. Aussi ne pouvait-elle pas voir l'étonnement du capitaine. Tout à coup, elle changea de ton. « Voici grand-papa. » « Parlons d'autre chose, je vous en prie, pour qu'il n'y ait pas de soupçons. » Mais le capitaine était trop troublé pour trouver ainsi à l'improviste un sujet à l'entretien. Ce fut elle qui reprit la parole. « Alors, dit-elle, en haussant la voix, vos travaux dureront longtemps encore ?»« Assurément, très longtemps. » Le comte était revenu près d'eux et il avait repris sa chaise. Alors elle cessa de s'adresser au capitaine pour se tourner vers son grand-père. Maintenant que nous avons fait honneur à la collation de Madame Prêt-à-Boine, et que nous pourrons adresser nos compliments à M. l'abbé Armand, il nous est peut-être permis de nous retirer. Veux-tu, grand-papa ? Elle paraissait radieuse, et la préoccupation qui, pendant leur promenade, avait obscurci son front s'était dissipée. Elle avait réussi, et de telle sorte que personne, assurément, n'avait pu entendre ce qu'elle avait dit. Ce fut joyeusement qu'elle prit le bras du capitaine et, le regard assuré, qu'elle traversa la foule qui encombrait le buffet. Au moment où ils arrivaient à la porte du salon, ils trouvèrent devant eux Madame Prêt-à-Boine, qui voulut quand même reconduire le comte jusqu'à sa voiture. Tant de prévenance méritait bien un remerciement et un compliment. Le comte s'acquitta de ce devoir de politesse en quelques paroles, qu'il tâcha de faire aussi aimable que possible, mais dans lesquelles perçait l'effort. Il se rattrapa avec le capitaine, et ce fut cordialement qu'il le reprocha de ne pas venir plus souvent à la Rouvraie. « Il faut donc vous expliquer, en mettant les points sur les i, qu'on a du plaisir à vous voir, dit-il. Eh bien, on vous l'expliquera. À bientôt, n'est-ce pas, mon cher capitaine ? À bientôt, monsieur le comte. » Et la calèche roulait déjà, et Bérengère, se penchant par la glace ouverte, envoya au capitaine un adieu de la main en riant gaiement. « Au revoir, capitaine. » Elle eût été moins tranquille et moins joyeuse s'il avait su que son entretien avec le capitaine, qu'elle croyait secret, avait été entendu, du premier mot au dernier, par Madame Prêt-à-Boine, et que sa précaution de parler le visage tourné vers l'angle de la tente était justement ce qu'il avait perdu. En effet, Madame Prêt-à-Boine, après avoir installé le comte, ainsi que Bérengère et le capitaine devant le guéridon qu'elle leur avait choisi, s'était mise à la recherche de M. Trempu. Le personnage était de taille à ne point se perdre. Elle l'avait vite trouvé, et non moins vite, elle l'avait emmené dans le jardin. « Mon cher Monsieur Trempu, il y a une bonne œuvre à entreprendre. Voulez-vous vous en charger ?»« Mais si elle est dans la mesure de mes faibles moyens, certainement, madame. »« Personne mieux que vous ne peut la faire réussir. Rue Dupont, numéro 17, retenez bien le numéro, il y a une famille, la mère et 3 filles qui meurent de faim. J'enverrai demain une de ces dames les visiter. Non, ce n'est pas ce qu'il faut. Ces malheureuses femmes sont d'ailleurs dans une position qui ne permettrait guère à ces dames de faire quelque chose pour elles. Mais alors ? Alors il faudra leur envoyer le comte de La Rochaudon. Vous savez comme il entend la charité. Et il nous fait bien du tort, hélas. Il leur viendra en aide comme toujours dans ces circonstances. Je voulais le prévenir, mais j'ai réfléchi que, puisqu'il est mon invité, il n'est peut-être pas condamnable à moi à profiter de cette occasion pour lui imposer un sacrifice. Vous comprenez cela, n'est-ce pas ? Vous, si délicat. Mais oui, certainement, je comprends très bien. Tandis que vous, qui n'êtes pas dans les mêmes conditions, vous pouvez très bien faire appel à sa générosité. Vous croyez ? Cela ne fait pas le moindre doute. Je l'ai installé là-bas, avec sa petite fille et le capitaine de Gardilane, au coin de la tente à gauche. Allez à lui, franchement. Comme cela, mais sans doute. soyez assuré qu'il vous remerciera de lui avoir signalé cette infortune. Seulement, comme il n'aime pas, ainsi que tous les cœurs élevés, à rendre public ses bienfaits, ne lui dites rien devant M. de Gardilan. Demandez-lui 2 minutes d'entretien et prenez-le dans un coin. En quelques mots, vous lui contez votre affaire. Si j'attendais qu'il sorte, il sera alors entouré. Vous ne pourrez pas lui parler en particulier, et ce sera du temps de perdu. Si pendant ce temps, une de ces malheureuses succombait, quel remords pour vous !» Elle le quitta vivement, bien certaine qu'il accomplirait ponctuellement la commission qu'elle venait de lui confier. Elle avait parlé avec tant de volubilité que cette confidence n'avait pas pris plus de 2 ou 3 minutes. Cependant, pour mener à bien la fin de son entreprise, elle n'avait pas de temps à perdre. Rapidement, elle avait passé derrière la tente, se dirigeant vers le mur contre lequel cette tente était, ou plutôt contre lequel elle paraissait appuyée. En effet, ce mur étant garni de camélias en espalier, Madame Prêt-à-Boine avait voulu qu'on les respectât d'autant plus soigneusement qu'ils étaient une des curiosités de son jardin. Se conformant à cet ordre, l'entrepreneur n'avait donc pas appuyé la tente contre le mur, il avait réservé un espace étroit, il est vrai mais suffisant, néanmoins, pour que les camélias ne fussent pas frôlés par les mouvements de la toile. C'était sur cette disposition que Madame Prêt-à-Boine avait basé son plan, et pour réussir, il ne lui restait plus maintenant qu'à se glisser entre la toile et les camélias. Sans doute cela allait abîmer les camélias, car c'était contre eux qu'elle devait s'appuyer et non contre la toile, sous peine de trahir sa présence. Mais elle avait présentement d'autres soucis que de protéger ses arbres, et plus sérieux, plus importants, pour lesquels elle eut tout sacrifié. Il n'y avait personne derrière la tente, si ce n'est des gens de service. En apercevant Madame Prêt-à-Boine, ils crurent qu'elle venait les surveiller. Et comme en réalité, ils n'avaient rien à faire là, ils se hâtèrent de disparaître avant qu'elle leur présentât la parole, car ils savaient sur quel ton elle leur parlerait. Elle était donc libre, et personne ne pouvait la surprendre. Aussitôt, elle se glissa entre la toile et le mur. Heureusement, elle n'était pas grosse, et d'autre part, elle était encore assez alerte pour se faufiler partout. S'avançant avec précaution en évitant de toucher la toile, comme si elle avait été un rideau de tôle rougi au feu, elle ne tarda pas à arriver à l'angle de la tente. Il n'y avait pas à se tromper, et bien qu'elle ne pût pas voir à travers la toile, elle était bien certaine que là, vis-à-vis, à 2 pas d'elle, dans l'intérieur de la tente, se tenait le comte, ainsi que Bérangère et le capitaine, attablés devant le guéridon qu'elle leur avait si complaisamment choisi. Elle colla son oreille contre la toile et elle écouta. Tout d'abord, elle n'entendit que le murmure confus et le brouhaha des voix de ses invités qui se mêlaient en une vague rumeur. Mais bientôt, au-dessus de cette rumeur, des paroles distinctes arrivèrent à son oreille. Elle arrêta sa respiration pour mieux écouter. C'était Bérangère qui parlait. Il était question de M. Trempu, dont le nom lui parvint distinctement. Tout avait réussi comme elle l'avait espéré. Elle n'arrivait pas trop tard à son poste d'observation. Le bruit des voix passait à travers la toile assez distinctement pour qu'elle entendît tout ce qui se disait autour du guéridon. Enfin, M. Trempu s'acquittait de la commission dont elle l'avait chargé. Ah, le digne homme ! Presque aussitôt, le comte se leva. Le moment était venu de redoubler d'attention. Bérangère, sans doute, allait parler. En effet, elle parla. « J'ai quelque chose à vous dire qui ne doit être entendu par personne. » Si on avait pu observer Madame Prêt-à-Boine collée contre la toile, qu'elle ne touchait pas cependant, les narines dilatées, la bouche à demi ouverte, les 2 mains étendues, on eut un sourire passer sur son visage. « Il faut que je vous voie, et que je vous voie seul. » C'était bien cela? C'était un rendez-vous qu'elle lui donnait? Et quoi? C'était elle? Et lui, comme il répondait froidement, quel point en était-il donc? Le saut de loup, lundi, 3 heures. Nous n'aurons rien à craindre. Le comte revint, Madame Prêt-à-Boine sortit de sa cachette. Mais elle resta quelques minutes dans le jardin, réfléchissant, s'efforçant de retrouver son calme et sa décision. Cette jeune fille, celle qu'elle avait voulu donner pour femme à son fils.